Cours numéro 23. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر الحث على مجانبه الغضب وكراهيه العجله. دونك في هذا الباب رحمه الله عليه il a mis en garde contre ces deux choses. Al-ghadab, le fait de se mettre en colère, ou al-ajala, le fait de se précipiter. Wallah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim qala alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayd wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Donc hadha al-khuluq, et le fait de maîtriser sa colère, c'est min khuluq al-muhsinin alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wadh-dharra', et ceux qui dépensent de leurs biens fi sabilillah, en quand ils sont dans une situation de facilité ou de difficulté, wal kadhimin al-ghayd, ceux qui retiennent leur colère. قال بعض أهل العلم الغيظ أصل الغضب كما سيتي دون تفسير الإمام القرطبي رحمه الله أن الغيظ سي لا باز دو غضب سي لو ديبي دو غضب وقيل شدة الغضب d'autres savants ils ont dit الغيظ سي شدة الغضب quand الإنسان il est très en colère كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son تفسير على كل حال C'est هنا dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a cité أن من صفات هؤلاء أنهم dépensent leurs biens في سبيل الله et كذلك ils maîtrisent leur colère. وجاء في حديث آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا هو الشديد. L'homme fort, la personne forte, c'est celui qui se maîtrise lors de la colère, lorsqu'il est en colère. فليس الشديد, la personne forte, c'est pas celle qui, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, ليس الشديد بالسرعة. Et le fort physiquement qui va réussir à prendre le dessus sur les autres. Là, ce n'est pas celui-là. Al-Shadid, l'homme fort, c'est qui? C'est celui qui se maîtrise, qui maîtrise son nefs lorsqu'il est en colère. Fakam minan nas, aqwiya, niveau badan, niveau physique, ils sont très très forts physiquement. Et tu les trouves, c'est min adhaf an-nas. Lorsqu'ils sont en colère, ils perdent leurs moyens. Et que d'ailleurs, probablement, une épreuve, ils n'arrivent pas à patienter malgré leur physique. Quoi, comme Minanus, tu les trouves en physiquement, ils sont assez faibles. Ils n'ont pas la santé, la force d'autres, comme d'autres. Lakin, ils ont هذه القوة. Ils ont cette force. أنهم يبتسيون جدا عند الابتلاء lors des épreuves. Que d'ailleurs, lorsqu'ils se mettent en colère, la colère ne prend pas le dessus. Là, c'est eux qui arrivent à prendre le dessus, mais idnillahi azza wa jalla, ils maîtrisent cette colère. هذا باب مهم, c'est un bab très très important. Se maîtriser lorsque on est en colère et كذلك كراهيه العجله. وهذا تقدم معنا كثيرا. C'est pour ça que dans ce bab, Ibn Hibban rahimahullah, il a surtout traité ma yata'allaq bil ghadab. Le sujet de la colère. وإلا العجلة فتقدمت معنا كثيرا depuis le début, أي le fait de se précipiter. قال رحمه الله أخبرنا عمر ابن حفص البزاز قال حدثنا محمد بن زياد الزيادي قال حدثنا الفضيل بن عياض عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا يا رسول الله أدخل به الجنة. Donc ce صحابي ست أم رضي الله تعالى عنه في الحاشية أفاد المحقق قال الرجل هو جارية بن قدامة رضي الله عنه. Donc ce compagnon Jariya رضي الله عنه, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم une chose, علمني يا رسول الله شيئا أدخل به الجنة. هكذا المؤمن الحريص على دينه الذي يريد النجاة يوم القيامة, celui qui fait des efforts في دينه, dans son دين, il veut progresser dans sa religion, et كذلك son objectif c'est l'au-delà, il a ce genre de réflexion, il a ce genre d'objectif. علمني شيئا يا رسول الله, enseigne-moi une chose يا رسول الله, أدخل به الجنة, qui me fasse rentrer au paradis. C'est le but de chaque mu'min. C'est le but de chaque muslim de rentrer au paradis. Enfin, ce sahabi radiallahu anhu, il a demandé une solution pour pouvoir rentrer. Une cause. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك وفيني la parole du sahabi علمني شيئا يا رسول الله أدخل به الجنة ولا تكثر علي لعلي أعقل قال لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a répondu avec deux mots. La taghdab, et ne te mets pas en colère. هذه الرواية فيها ما فيها, لكن الحديث il est ثابت, تقدم معنا كثيرا dans d'autres دروس. الإمام النووي رحمه الله il l'a cité dans رياض الصالحين dans الأربعين. أما هنا قال المحقق لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه. على كل حال الحديث للصحيح اللي في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب, فردد مرارا قال لا تغضب. في رواية البخاري أن ستم إلى ربيته plusieurs fois النبي صلى الله عليه وسلم يغيبون دي toujours la même chose, لا تغضب, ne te mets pas en colère. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم l'explication de 40 Nawawi, et il a rajouté rahimahullah 8 hadiths pour compléter les 50, ça a donné 50 hadiths qu'il a expliqué fi hadha al-kitab an-nafis jami' al-ulum wal-hikam. C'est une référence, c'est afdal al-shuruh, c'est la meilleure explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, et tawassa' fi, il a détaillé rahmatullah alayh. Fa naqra ma qala par rapport à ce hadith, rahimahullah. Donc, قال فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير. والمؤمن il doit faire des efforts في هذا الباب. أحيانا tu peux demander conseil. أحيانا tu es motivé. Ça peut être demander un conseil pour faire du bien. Ou tu es motivé toi-même à faire du bien. فحرص على السؤال أو العمل qui englobe beaucoup de خير. فلهذا قال جامعة لخصال الخير. Il voulait un conseil qui va lui servir pour rentrer au paradis. Là, je sais qu'on a pour rentrer au paradis, il faut faire du bien. Il a demandé une chose جامعة للخير qui englobe énormément de bien. قال ليحفظها عن عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتها. C'est pour ça que il a dans une riwaya il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil court qui puisse retenir رضي الله عنه. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم lui a conseillé de ne pas se mettre en colère. قال ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا كما جاء في on a dit riwayat al-Bukhari فردد مرارا il a répété plusieurs fois أوصني conseille-moi يا رسول الله. قال ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم répondait toujours avec la même réponse, لا تغضب, ne te mets pas en colère. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. Ça montre quoi? Ça montre que الغضب c'est la source d'énormément de maux, beaucoup de problèmes. والتحرز منه, le fait de s'écarter, de se maîtriser lors de la colère, Jima'ul Khair, c'est une des sources qui englobe énormément de biens. Fa, cette wasiya, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a donné à ce compagnon et elle est pour toute la communauté. Comme ça y est, les méfaits, la gravité de se mettre en colère, ou plutôt de ne pas se maîtriser. Se mettre en colère, c'est humain. Il faut se mettre en colère. Lakin, le fait de se mettre en colère alors qu'il ne faut pas, et encore plus ne pas se maîtriser lors de cette colère, là, ça peut pousser à cet homme ou cette femme à faire énormément de mal. Thumma qala rahimahullah, فقوله صلى الله عليه وسلم on est toujours كلام الحافظ ابن رجب dans جامع العلوم والحكم قال فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه استوصاه أي qui lui a demandé une wasiya, un conseil لا تغضب يحتمل أمرين أي ne te mets pas en colère tu as deux sens ça veut dire quoi ne te mets pas en colère قال أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر أي طلاقة الوجه قال ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة أي quand النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit ne te mets pas en colère ça veut dire quoi ça veut dire mets en application les bons comportements la patience pardonner, etc. قال فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة وجب لها ذلك الدفع الغضب عند حصول أسبابه. لماذا؟ لأن celui qui prend cette habitude, la modestie, le pardon, le bon comportement en général, la patience, même s'il se met en colère, il aura une chose pour repousser cette colère ou pour maîtriser cette colère. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, قال والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك. تأملوا. لا تغضب, ça ne veut pas dire ne te mets pas en colère مطلقا. لماذا؟ لأن l'être humain, il se mettra en colère. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب, أي لا تعمل. Fais attention de ne pas suivre ta colère. لأن tu te mettras en colère. Tu es un être humain. لكن fais attention que cette colère, elle ne te pousse pas à un interdit. قال بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. Donc, le ghadab, c'est dans le cœur. Et quand l'insan, il s'énerve, ça peut le pousser à faire certaines choses. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lama قال لا تغضب, ne te mets pas en colère, ay, ne suis pas ta colère. Si tu te mets en colère, fais maîtrise-la. Comme déjà dans le hadith qu'on a ajouté, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Hey, cet homme ou cette femme qui se sont mis en colère, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré un homme, s'ils sont forts et justes, ils maîtriseront cette colère. Ça montre à l'insan, se mettre en colère, c'est pas interdit. Abadan, bel, c'est chaque être humain, il se met en colère. Lakin, le fait de suivre sa colère, de la maîtriser, c'est autre chose. قال فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر الناهلة. Et c'est là la gravité de et la dangerosité de cette colère si elle n'est pas maîtrisée. تأمل فإن الغضب إذا ملك ابن آدم. Si cette colère elle prend le dessus sur cet être humain, كان كالآمر الناهلة. L'insan il va devenir esclave de cette colère. Cette colère, elle va le pousser à faire telle chose ou à délaisser telle chose. À cause de sa colère, il manquera de lucidité. كأنه il ne sera plus lui-même. لماذا? À cause de cette colère. قال ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. Donc si l'insan il se maîtrise, il ne suit pas sa colère, Alhamdulillah, il sera préservé du mal de son nefs, de sa propre colère. قال وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. نعم, ça fera aucun mal. Cette colère, elle reste en lui. Il s'est mis en colère parce que c'est un être humain. Lakin, alhamdulillah, il n'y a aucune conséquence mauvaise. لماذا? لأنه il se maîtrise. قال فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صحيح، من صفات المؤمنين الصالحين. قال عز وجل وإذا ما غضبوا أي lorsqu'ils se mettent en colère هم يغفرون ils pardonnent. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'insan il peut se mettre en colère. Ben il se mettra en colère. Ou le Bouddha en tant qu'être humain. Lakin si cette colère elle est maîtrisée, enfin ça reste une seva, ça reste une caractéristique d'un être humain. Comme tu respires, comme tu manges, comme tu bois, enfin tu te mets en colère. Et tu vois, tu sens, tu entends. Lakin la maîtriser, c'est mon sifat al-mu'minin as-salihin. وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لبرسات on l'a déjà cité. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب. Ça c'est important. On sait tous l'un que en tant qu'être humain on s'est déjà mis en colère, on se mettra en colère parce qu'on est des êtres humains. لكن هناك أمور, il y a des choses, des causes pour repousser cette colère, ou la maîtriser, ou la calmer. Et il en a cité, il a cité quelques causes, هنا, rahimahullah. قال وتسكنه. تسكنه, أي, calmer cette personne qui est énervée. قال ويمدح من ملك نفسه عند غضبه, ففي الصحيحين, عن سليمان بن سرد, رضي الله عنه, قال, استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم, ونحن عنده جلوس. عبد الرحمن أو plutôt سليمان ابن سرد رضي الله عنه ce compagnon il était assis avec le Nabi صلى الله عليه وسلم avec d'autres compagnons رضي الله عنهم أجمعين et ils ont vu deux hommes أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. Un des deux hommes il a insulté l'autre, donc le deuxième il s'est énervé حتى احمر وجهه. Son visage, il a rougi à cause de la colère. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال je connais une parole. S'il l'a dit, parce qu'il ressent, ça va disparaître. Et cette colère. حتى الإنسان, il sent que son sang, il chauffe, sa peau, elle devient rouge. قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a informé cette parole elle éteint ce feu de la colère qui est dans l'insan à ce moment. الحديث إليه كما تقدم في الصحيحين. قال أنه حديث وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Ce hadith, العلماء اختلفوا. Est-ce qu'il est صحيح أم لا؟ أولا, on explique le sens. إذا غضب أحدكم وهو قائم. Si l'un de vous il s'énerve, et lorsqu'il s'énerve il est debout, فليجلس, qu'il s'assoit. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. S'il est encore énervé après s'être assis, فقيل s'allonge. الحديث أخرجه الإمام أبو داود et d'autres, كما قال الحافظ ابن رجب, et بعض العلماء ضعفوه. الشيخ الألباني رحمه الله il a صحح dans certains livres كأنه il a ضعف dans تخريج السنة لابن أبي عاصم. Il faudrait plus détailler. وإلا ما هنا كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه حديث معلة. Il a cité الحديث, il a cité la chaîne de transmission de l'imam Ahmed رحمه الله dans Musnad. ثم قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح. العجيب أن البعض نقلوا هذا الكلام de الشيخ مقبل كأنه إلى أوتنتيفي الحديث. C'est من الجهل. Pourquoi ? Il faut bien comprendre que lorsque tu cites la parole de Cheikh Mukbil de Ahadith Mu'alla, ce livre, c'est un livre tayyib, c'est une référence, fil hadith. On a déjà expliqué, on peut résumer, Cheikh Mukbil, rahmatullah alayhi, quand il a écrit son célèbre livre, As-Sahih al-Musnad, thumma il l'a mis en sous forme de abwab, comme Sahih al-Bukhari, il l'a appelé al-Jami' Sahih mimma laysa fi Sahihain, il a regroupé tous les beaucoup de hadiths qui ne sont pas cités dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, mais ils sont authentiques. pour répondre à une choubha qui était répandue à un moment, Al-Nawad al-Dullal, il disait que si le hadith n'est pas dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, il n'est pas Sahih. Et ça, kadhalik, c'est min al-jahl, c'est de l'ignorance. Et on n'a pas que ces deux livres. Bien sûr, ces deux livres, c'est les références, c'est les plus authentiques. Lakin, on a Musnad al-Imam Ahmed, on a As-Sunan, Sunan Abi Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Nasa'i, et plein d'autres livres. Cheikh Moukbil, rahmatullah alayhi, il a rassemblé des hadiths authentiques qui n'ont pas été cités dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Donc, il a écrit à Sahih al-Musnad, thumma, il l'a mis en forme de abwab comme dans Sahih al-Bukhari. Et Kitab Salah, Kitab Tahara, le chapitre de la Salah, de la purification, il a akhir. Il a été imprimé en 6 volumes. Lors de ce travail, Cheikh Moukbil, rahmatullah alayhi, plusieurs hadiths, au départ, il pensait qu'ils étaient authentiques. Thumma, avec une recherche approfondie, il s'est aperçu qu'il y avait un défaut dans la chaîne de transmission. Maintenant, ce hadith sur la colère. قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح. En apparence, si tu analyses une simple analyse d'apparence, la chaîne de transmission que l'imam Ahmed il a cité, tous les rapporteurs, c'est des rapporteurs de Sahih, Sahih Bukhari ou Sahih Muslim. Enfin, certains, ils ont rapporté la parole de Cheikh Moukbil, ils disent ce hadith il est sahih. Ils ont dit ce hadith, il a été authentifié par Cheikh Moukbil, l'imadal, et Cheikh Moukbil il a dit dans hadith mu'alla, rijal hu rijal sahih. Ça c'est min al-jahl, l'imadal, il faut continuer. قال الشيخ مقبل ولكن أبا داود روى من حديث أحمد بن حنبل به ثم قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا قال أبو داود وهذا أصح الحديثين يريد أبو داود رحمه الله أن المرسل أصح donc الشيخ مقبل c'est ça qu'il a voulu montrer, il a voulu montrer en apparence le hadith il est authentique, la chaîne de transmission. لكن si tu reviens à la parole d'Abu Daoud, c'est un grand imam من المحدثين. Et il a montré le plus sûr, c'est la deuxième chaîne de transmission qui montre que le hadith il est mursal, il y a une coupure dans l'isnad. Et ta'lamoun, pour ceux qui ont étudié des bases dans le hadith, an al mursal c'est min qism dha'if, c'est faible. Et il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission. Donc, après cette remarque, on s'aperçoit que Cheikh Moukbil rahimahullah, il dha'if le hadith. La preuve, c'est qu'il l'a cité dans un hadith mu'alla. Et l'ajib, c'est que ceux qui ont prétendu que Cheikh Moukbil le rend authentique, ils ont rapporté qu'une partie de sa parole, thumma ils ont mis la référence à hadith mu'alla. Hadith mu'alla, ça veut dire quoi? Ça veut dire un hadith avec des défauts, et des hadiths faibles. Lakin, hakada al-jahl. Ça nous montre la gravité des copier-coller, ya ikhwan. Là, hadha al-ilm, encore plus, ilm al-hadith. Il faut comprendre kalam ahl al-ilm. Kadalik, il faut des certaines recherches pour voir. Tu peux trouver maintenant un kalam de Cheikh Moukbil avant qu'il a authentifié ce hadith. Thumma dans ce livre, il l'a replacé dans ce livre pour montrer une faiblesse. Khassatan ilm al-hadith. Tu peux avoir une chaîne de transmission. En apparence, tous les narrateurs, c'est des personnes de confiance. Lakin, avec des recherches, certains imams lui montrent, ce narrateur, en fait, il n'a pas rencontré un tel, ou il n'a pas entendu ce hadith de un tel, ou c'est une erreur dans telle chose. Ce qu'on appelle al-ilal, les défauts dans le hadith. Wallah al-musta'an. Hala faqat, c'était un bayan pour montrer Al-Ba'd, il se précipite fil nuqulat, les copier-coller, et sans science, sans recherche, sans tadqiq, sans tahqiq, ça peut donner ce genre de contradiction. Wallah musta'an. Fa ala kulli hal hadha al-hadith fihi dha'f. La référence kalam Cheikh Moukbil rahmatullah alayhi à hadith mu'alla, le hadith numéro 104. Et là chaque anna al-ma'na, il est tayyib. Pourquoi? Li'anna al-insan, quand il se met en colère et il est debout, il peut faire certaines choses et il regrette. Fa'lihada, même si al-hadith on dit qu'il est faible, ma'ahada, beaucoup de savants ils l'ont authentifié ou ils l'ont hassan. Ala kulli hal, le ma'na il est tayyib. Celui qui est en colère, il doit essayer de se calmer. S'il faut s'asseoir, s'asseoir. S'il faut quitter la pièce, quitter la pièce. Ça y est, ma'ana le fait de se taire. فلهذا قال رحمه الله وقد قيل او on a pas besoin de lire tout cela, on passe directement à l'autre hadith. قال وخرج الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غضب احدكم فليسكت قالها ثلاثا. هذا الحديث كذلك il est ضعيف. Et مع هذا le sens il est طيب, même si le hadith il est faible, il y a dans la chaîne de transmission il y a un défaut. لكن لا شك ان celui qui se met en colère, s'il se tait, la colère elle peut le pousser à dire des choses graves. Et quand la colère elle disparaît ou elle diminue, Thomas, il regrette. Et s'il aurait gardé son sang-froid, il aurait jamais dit cette chose. C'est de garder son calme. Comme Minanas, à cause de la colère, ils ont causé d'énormes dégâts. Thumma, ils ont regretté. La colère, très très vite, l'insan, il sent une certaine force. Thumma, il a besoin d'évacuer. Et quand il se calme, il reste les regrets. Il reste rien d'autre. قال رحمه الله وهذا أيضا دواء عظيم للغضب. Et le fait de s'asseoir, de s'allonger, c'est une solution. كذلك le fait de se taire. On répète, même si le hadith فيه ضعف, الحافظ ابن حجر قال هذا دواء عظيم للغضب. C'est une solution très très profitable lorsqu'on est énervé de se taire. خاصة quand c'est bien sûr avec un autre. Si مثلاً أنت tu te tais et l'autre كذلك il se tait. Et on laisse un certain temps. Et vous allez voir qu'avec le temps, alhamdoulilah, l'insan, il se calme. Et Obama, ça change. Ama si, Wahid, il continue à parler. Et celui qu'en face, كذلك, il est énervé, continue à parler. Enfin, dans ce cas, ça peut aller très, très loin. قال رحمه الله لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثير من السباب وغيره مما يعظم ضرره. صحيح, comme من الناس, ils sont énervés. Et à cause de cet énervement, ils ont insulté, ils ont accusé, ils se sont précipités. Quand ils se sont calmés, ils ont regretté. Est-ce que celui en face, ton frère, est-ce qu'il va te pardonner? Est-ce qu'il aura la force de te réécouter? Là, c'est autre chose. Il y a dans l'insan, il y a dans au départ. قال فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. صحيح, si tu te tais, tu te préserves. Bien sûr que ça t'a dérangé, bien sûr que ça t'a mis en colère. Peut-être que c'est légitime, peut-être que tu as raison. Lakin, tant que tu te tais, Alhamdulillah, tu es encore fichel et tu n'as pas propagé de mal. قال وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. أي نعم, هكذا. Ils étaient عليهم رحمة الله. Non, ils arrivaient, ils avaient cette force pour se calmer, pour patienter. والله المستعان. فهذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله فقط pour expliquer le hadith que l'imam Ibn Hibban il a cité. On lira sa fin, on lira inshallah avant la fin du cours un autre passage important. On revient à كلام ابن حبان رحمه الله عليه. قال ابو حاتم رحمه الله احسن الناس عقلا من لم يجرد من لم يحرد بلتو. قال في الحاشية يعني من لم يغضب. نعم, لم يحرد, لم يغضب. قال وأحذر الناس جوابا من لم يغضب. دونك العقلاء الموفقون يفعلون tout pour repousser الغضب, tout pour se maîtriser. قال والسرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في يبس العوسج. العوسج, c'est du bois mort. فتصور أنت du bois mort, du bois sec, et tu allumes un feu. كيف ينتشر هذا النار. Le feu se propagera très très vite. Et quand le feu se propagera, فلا يترك شيء من هذا العوسج, من هذا الخشب. Le feu, ça détruit presque tout sur son passage. Vous avez déjà tous vu en été quand il y a des feux dans des forêts à cause de la sécheresse. Thumma, tu regardes qu'est-ce qu'il reste. C'est tout brûlé. فَهَكَذَا الْغَضَبْ سُرْعَةُ الْغَضَبْ, celui qui ne maîtrise pas les dégâts que ça peut faire. Ça peut faire des dégâts sur lui, peut se brûler lui-même. Et كَذَلِكَ qui peut brûler les autres. قَالَ لِأَنَّ مَنْ غَضِبَ زَيَ لَهُ عَقْلُ. Il y en a celui qui se met en colère. Lorsqu'il est en colère, encore plus s'il est vraiment en colère, كأنه, il a perdu une partie de son aql. Et il peut dire des choses en étant calme, il n'aurait jamais dit cette chose. فلهذا الإنسان ينتبه. ينتبه. والكلمة إذا خرجت خرجت. Surtout, on répète si c'est avec les autres. Peut-être que un tas tu étais énervé, l'autre il acceptera pas ton udhr. Et bien sûr, c'est pas une excuse à la kulli hal al-ghadab abadan. Sauf le cas du غضب الإنسان كأنه il a vraiment perdu connaissance et c'est plus ce qu'il dit. Enfin, في هذا الحال c'est autre chose. Là, qu'une simple colère, l'insan il se laisse emporter. Là, هذا c'est de la faiblesse. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من أمسك نفسه عند الغضب. قال فقال ما سولت له نفسه وعمل ما شانه وأرداه. Et celui qui se met en colère, il va suivre son nefs. Et vu que notre nefs, elle nous incite au mal, donc il fera du mal. C'est-à-dire qu'il fera des choses qui vont le salir, qui vont lui nuire. قال رحمه الله بعد ذلك سرعة الغضب من شيم الحمقاء كما أن مجانبته من زي العقلاء. أن le fait de se précipiter, se mettre en colère, ne pas se maîtriser, ça c'est min shiyam al-hamqa. Ça fait partie des caractéristiques de al-hamqa. Et on avait vu ensemble, lillahi alhamd, un bab sur les caractéristiques de al-hamqa, ceux qui se précipitent, ceux qui ont un mauvais comportement, as-sufaha, les faibles d'esprit. Enfin, parmi leurs caractéristiques, c'est de se mettre en colère pour rien. Les anna, il y a autre chose, c'est ba'd an-nas, ils ne se maîtrisent pas. Et kadalik, en général, ceux qui ne se maîtrisent pas, kathir minhum, ils se mettent en colère alors que aslan, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça qu'on doit faire attention. En tant qu'être humain, on le répète, il y a des choses na'am, qui poussent à la colère. C'est légitime dans ce cas. Enfin, si tu te mets en colère parce que tu es un être humain, tayyib, il n'y a pas de mal tant que tu te maîtrises. هذا اولا ثانيا faire attention كذلك à ne pas se mettre en colère alors que ça n'en vaut pas la peine. قال كما ان مجانبته من زي العقلاء. نعم, ça fait partie des caractéristiques de l'uqala, de se maîtriser. قال والغضب بذر الندم فالمرء على تركه قبل ان يغضب اقدر على اصلاح ما افسده به بعد الغضب. كلام جميل. اولا الغضب c'est بذر الندم, c'est la source des regrets. On le répète comme minanas nadimu. S'ils pouvaient revenir en arrière, ils n'auraient jamais dit cette chose qu'ils ont dit alors qu'ils étaient en colère. Ou cette chose qu'ils ont faite. فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصلاح ما أفسده به بعد الغضب. صحيح. Tant que tu te maîtrises, alhamdulillah. فمثلا, un exemple simple. Rappelez-moi, vous avez déjà vu هذا. بعض الناس ils se mettent en colère. Tellement qu'ils sont énervés. Ils cassent leur propre bien. Matalan, il a son téléphone dans les mains, il le casse. Abadahum, matalan, ils sont énervés, ils cassent leur voiture. Sallallahu alayhi wa sallam. Famit la ha'oula, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Il aurait maîtrisé sa colère, alhamdulillah, il aurait gardé ses biens. Amma, ne pas maîtriser sa colère, perdre ses moyens et casser ses biens, même s'il se calme après, il aura perdu cette chose. Qala, rahimahullah, wa laqad haddathana Muhammad ibn Ishaq al-Thaqafi. قال حدثنا حاتم بن الليث الجوهري قال حدثنا بكار بن محمد قال كان ابن عون لا يغضب فإذا أغضبه إنسان قال بارك الله فيك. ابن عون من أئمة السنة كان لا يغضب أي ne se mettait pas en colère أي pour des choses qui n'en valent pas la peine. La preuve c'est que juste après قال فإذا أغضبه إنسان, ça prouve que l'insan il peut se mettre en colère, c'est naturel, لكن أولا il fait tout pour ne pas se mettre en colère. Donc certaines choses, ça n'en vaut pas la peine, tu n'as pas besoin. Si tu te mets en colère, amsik nafsak. Qala, si quelqu'un le mettait en colère, il disait barakallahu fik. Taqaddam ma'ana une sunna fi hada. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cet homme en colère, il a dit inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Ça c'est sunna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est en colère, si on veut que cette colère elle disparaisse ou qu'elle diminue et qu'on se calme, on applique sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. A'oudhu billahi minash shaitan. Qala dhahaba anhu ma yajid. Celui qui dit a'oudhu billahi minash shaitan. Thumma qala rahimahullah. Akhbarana Kamil ibn Mukram. Qala haddathana al-Rabi' ibn Sulayman. Qala haddathana Asad ibn Musa. Qala haddathana Dhamra. An Abi Sa'id. Qala kana Aun. Ibn Abdillah. Ibn Utbah. Toujours... le même imam. إذا غضب على غلامه قال ما أشبهك بمولاك أنت تعصيني وأنا أعصي الله فإذا اشتد غضبه قال أنت حر لوجه الله تعالى. Et ça c'est une solution عظيمة pour calmer le غضب. Avoir ce genre de pensée. Ibn Aoun رحمة الله عليه, quand son غلام il le mettait en colère, cet enfant qui travaillait pour lui, qu'il le servait, قال ما أشبهك بمولاك أي tu me ressembles. Il lui disait هكذا tu me ressembles. Pourquoi? قال أنت تعصيني, tu me désobéis, et moi je désobéis Allah Azza wa Jal. Ça, ça montre quoi? Ça montre les conséquences du ghadab. Même si le ghadab au départ il est légitime, لكن si on ne se maîtrise pas, ça peut pousser إلى المعصية. قال فإذا اشتد غضبه قال أنت حر لوجه الله تعالى. Quand il s'énervait beaucoup, il affranchissait ce rôle. لماذا؟ لأنه il ne voulait pas répondre ou suivre la colère et désobéir Allah عز وجل. بل pour éteindre cette colère, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala en affranchissant هذا الغلام, cet esclave. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل إذا ورد عليه شيء بضده ما تهواه نفسه أن يذكر كثرة عصيانه ربه. C'est ça la solution qu'Ibn Hibban rahimahullah il a cité en se basant sur l'histoire d'Ibn Aoun. Anna, si tu te mets en colère, مثلاً avec ton épouse, avec un de tes enfants, خاصةً quelqu'un dont tu as une responsabilité, ça arrive كثيراً, tu te mets en colère et parce qu'ils ont vraiment fauté. N'oublie pas, Akhil Gari, et on doit tous faire des efforts via Dalbab. On a tous des manquements, tous des faiblesses, لكن on est là pour se corriger, on est là pour s'entraider. Et ça, c'est des fawaïd azima de ces imams. Anta, tu te rappelles que كذلك أنت tu fautes. Tu as des manquements, tu fais des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça le met en colère. Sifatul ghadab thabita lillah azza wa jal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ça le met en colère. Et Anta, tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Il ne te châtie pas malgré que tu fais une chose qui le met en colère. Anta, كذلك, tu essayes d'avoir de la rahma, al-afu, de pardonner aux autres, d'être patient comme tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne et il ne te châtie pas. فهذه من أعظم العلاج pour repousser الغضب. أما الإنسان qui ne réfléchit plus, بعضهم يشانج de couleur, بعضهم كأنهم c'est plus la même personne et خلاص il devient un esclave de cette colère. كما قال ابن حبان رحمه الله, cette colère c'est elle qui lui dit de faire telle chose, ne pas faire telle chose, et هو يسوي. Ça, c'est un problème, bien sûr, à tawfiq min Allah, et qu'il y a un manque de réflexion. Fallait, on répète, قال, أن يذكر كثرة عصيانه ربه وتواتر حلم الله عنه ثم يسكن غضبه. Je te rappelle que tu fais des fautes et tu aimes qu'on te pardonne, qu'on patiente. Bel, tu aimes, si on revient à cet exemple, tu aimes que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tes fautes et manquements, tu espères sa miséricorde et qu'il ne te prenne pas en compte sur ce que tu as fait, qu'il te pardonne. Ça va te permettre de te calmer, de pardonner aux autres. Un autre exemple, même entre êtres humains. Quand tu fais des fautes, est-ce que tu aimes quelqu'un qui se met en colère contre toi? Tu n'aimes pas. L'être humain, il n'aime pas. Tu voudrais bien qu'il garde son calme, qu'il te montre, s'il te pardonne, c'est encore mieux. Essaye de faire avec les autres. قال ولا يزري بفعله بالخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء إلى أحوالهم مع تأمل وفور الثواب في العقبة بالاحتمال ونفي الغضب. إيه نعم. كذلك en pensant là l'énorme récompense. لأن كما جاء في الحديث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ça c'est من صفات المحسنين. Et Allah il aime هؤلاء, ceux qui pardonnent aux autres. الكاظمين الغيظ, ceux qui retiennent, qui se maîtrisent lors de la colère. Avec tout ça, bi-idnillahi azza wa jal, ça va faciliter à هذا الانسان de garder son calme. ثم قال وانشدني ابن بلال الانصاري وكظم الغيظ اولى من محاوله غيظ العدو باضراري بايماني لا خير في الامر ترديني مغبته يوم الحساب اذا ما نص ميزاني. C'est exactement ce qu'on vient de citer. En s'appuyant sur Kalam al-Hibban, ce sha'ir, ce poète, il a résumé avec ces deux vers de poésie. La khayr fil amr. Il n'y a pas de bien. Une chose qui va me pousser à faire des choses, j'aurai à rendre compte yawm al-qiyam. Comme les nas, ils ont été en colère, ils ont cassé les biens des autres, ils ont insulté les autres, ils ont accusé les autres, ils ont fait de la médisance, ils ont... Yawm al-qiyam, il y aura des comptes. Ça montre qu'il n'y a aucun bien. Celui qui pense à Yom Al-Qiyamah, il y en a tous ses faits et gestes. Ils ont des conséquences ici-bas. Et كذلك dans l'au-delà. Voilà, chaque année, ça aide à calmer. ثم قال رحمه الله, il a rapporté des vers de poésie, السلم ابن ميمون الخواصي يقول: سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. شرار الناس لو كانوا جميعا قضم في جوف عيني ما قضيت. فلست مجاوبا أبدا سفيها خزيت لمن يجافيه خزيت. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. هذا سي بار رابور ا سكون ا فيو اوباراون. السفيه personne qui n'en vaut pas la peine, des problèmes avec tout le monde. Et haoula, c'est min adhaf al-bashar, ils font partie des êtres humains les plus faibles. Al-hamqa qu'on a étudié auparavant, ben, ne répond pas. Ne réponds pas, ne te mets pas en colère pour lui, c'est ce qu'il veut, ouais, il a l'habitude. Falihada qal idha nataqa as-safih fala tujibhu. Il insulte, il accuse, un safih. Encore plus dans le domaine du ilm. On ne doit pas faire cette erreur. Anta akhil karim mathalan, tu fais certains efforts, tu essaies d'apprendre, tu donnes du temps. Thumma as-safih sur internet, au bout de deux minutes, tu commences à accuser, t'as un kada. Ne lui donne pas d'importance. Ne te rabaisse pas à son niveau. Là, quelqu'un qui a du ilm, qui a un bon comportement, qui veut montrer une chose, ahlan wa sahlan. L'insan, il se trompe, il a besoin d'être conseillé, taïb. Lakin avec les mêmes bases, avec des arguments. Amanta, tu as fait des efforts fil ilm. Pour moi, tu parles avec un autre, il n'a aucune base fi hada al-ilm. Que un tel il a dit, ça s'arrête là. Si tu le suis pas, t'es un égaré. Hada c'est pas min al-nas, annaka tu vas perdre ton temps pour abadan. Abadan. فلهذا قال إذا نطق السفيه فلا تجبه ne lui répond pas فخير من إجابته السكوت. La meilleure réponse que tu peux lui donner, tu te tais. Tu verras qu'il va s'éteindre. Et le feu de sa colère, de sa jalousie, de sa rancœur, كذلك, tout cela va s'éteindre. Et en tant qu'alhamdulillah, tu vas être préservé. Et si tu t'es trompé ou tu as besoin d'un conseil, فالحمدلله أهل العلم موجودون. Reviens au savant de la sunna et demande et corrige-toi. قال وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش تأنى في أمرك وافهم عني فليس شيء يعدل التأني تأنى فيه ثم قل فإني أرجو لك الإرشاد بالتأني. Vous avez remarqué que Al-Ghadab ou Al-Ajala, ils sont souvent cités ensemble. Le fait de se précipiter, de se mettre en colère. Il y en a ceux qui se précipitent beaucoup. ففي هذا الباب الكولير ils se précipiteront كذلك et ils se mettront en colère très très vite. فلهذا الشاعر قال تأنى في أمرك. Garde ton calme, ne te précipite pas. Comme les nazis se mettent en colère, les malades, les aslan, ils n'ont pas compris. Aslan, ils n'ont pas compris, ils ont pensé que telle chose, ça les a mis en colère, alors que s'ils ont regardé leur calme, ils n'étaient pas visés. Bel Obama, cette chose, c'était en leur faveur. Enfin, en aucun cas, ils auraient compris, ils seraient mis en colère. فلهذا التأني, c'est important. Gardez son calme. بعض الناس كذلك يستعجلون في le fait de dire que un tel il s'est trompé. هذا لا ينبغي. لا ينبغي. Toujours garder son calme. لماذا لأن avant de dire un tel il s'est trompé ou vouloir corriger un tel, اصلا واولا tu dois vraiment savoir être sûr est-ce que il s'est vraiment trompé. فلهذا التأني, lis une fois, relis une deuxième fois. Si tu n'es pas sûr, fais sous forme de question. Encore plus avec أهل العلم. La bout min adab. Pardonnez, se précipite. Tel shir, il s'est trompé dans telle mes'ala. Et akhid ta'anni, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas trompé. Abadan. Celui qui s'est trompé, il s'est trompé. Lakin ahiyanan, à cause de la précipitation, wa'adannas, ils disent, mais il s'est trompé. Thumma, quand tu le reprends vite, anni, avec calme, avec une étude qui est fondée sur l'ilm, ils se rendent compte très très vite qu'il ne s'est pas trompé. C'est lui qui n'a pas compris la parole du shir ou du frère ou autre. قال تأن فيه ثم قل فإني أرجو لك الإرشاد بالتأني. هذا لا شك فيه. أن celui qui veut la guider, une des causes c'est التأني. C'est de garder son calme et de garder son sang-froid et de ne pas se précipiter. ثم قال رحمه الله. Il a rapporté des vers de poésie. قال أبو حاتم لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكم قاطبا على أن الغضبان لا رأي له لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل سبب. حتى جاء حديث في هذا pour montrer que celui qui est en colère النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. Le juge, il n'a pas le droit de donner une sentence alors qu'il est en colère. Limada, s'il est en colère, Obama, il ne sera pas objectif. Peut-être qu'il va manquer de justesse dans son hukm à cause de cette colère. Falihada, dans certaines situations, tu as besoin d'avoir du calme. Wahakada, yadkuru, là, on a celui qui a envie de faire ses besoins. Tellement qu'il est pressé, viyad al-hal, tu ne peux pas maintenant lui poser une question ou lui vouloir son avis dans une chose. Limada, il est dans une situation, là, où il est pressé, va. C'est pas le moment. Ça nous montre s'il y aurait que cette chose, ça montrerait que al-ghadab, ça peut avoir des conséquences néfastes. Donc avec tout ce qu'on a cité auparavant. Tout faire pour repousser هذا الغضب. قال والغضبان لا يعذره أحد في طلاق ولا عتاق. ومن الفقهاء من عذر السكران في الطلاق والعتاق. الغضبان pour montrer la gravité, أنه si divorce, c'est pas forcément une excuse le divorce. Contrairement à السكران, celui qui a bu, il est sous. Robama il divorce sa femme. Son divorce n'est pas pris en compte. Dans ce cas, il ne savait pas ce qu'il disait. أما الغضبان, c'est pas forcément une excuse, sauf dans un cas. Cheikh Ibn Uthaymeen نقل الاتفاق الى rapporté الاجماع ان سي هذا الغضبان cette colère elle atteint le niveau de presque le junoun, c'est comme s'il était possédé. Ça arrive بعضهم tellement qu'ils s'énervent, enfin ils ne savent plus ce qu'ils disent. Même après la colère, si tu lui dis tu as dit ça, là il saute de ridi, là j'ai pas dit ça. Enfin في هذا الحال le divorce il n'est pas pris en compte. Là qu'il a un simple énervement, il sait ce qu'il dit. في هذا الحال لا شك أن الطلاق لديفورس اللي بخون كونت بالاتفاق نقله شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. كذلك ceux qui insultent, خاصة ceux qui insultent الدين, بعضهم أحيانا يديز لكن il était énervé, كأنه الغضب c'est un عذر, c'est une excuse. أبدا, c'est la même chose que pour le divorce. S'il a atteint vraiment un niveau أنه il s'est énervé, il sait plus ce qu'il dit, كأنه il est possédé, il insulte, هذا الحال il peut ne pas être pris en compte sur cette insulte. Il ne savait pas ce qu'il disait. Amma Mujarrad il s'est énervé parce qu'il a eu un accident, parce qu'on lui a volé telle chose, et il est énervé, il insulte Allah Azza wa Jalla, au din, comme ils font certains. Hada, c'est pas une excuse. Abadan. Belle, cette insulte, c'est du kufr. Et c'est min nawaqid l'islam bil ijma', selon l'unanimité, ça fait sortir de l'islam. Iyadan billah. Qala wal khalq majbouloun ala al ghadab wal hilm ma'an. فمن غضب وحلم في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد. C'est ce qu'on a cité plusieurs fois. أن الإنسان الخلق مجبول. L'être humain a été créé هكذا avec الغضب والحلم. Il a ces deux choses. الغضب c'est la colère. الحلم c'est le fait de garder son calme durant cette colère. Ne pas passer à l'action, ne pas dire une mauvaise chose, ne pas faire une mauvaise chose. C'est ça le hilm. Ça ressemble à la patience. قال فمن غضب وحلم في نفس الغضب. Celui qui se met en colère, c'est un être humain. لكن il a هذا الحلم. Il se maîtrise. قال فإن ذلك ليس بمذموم. Dans ce cas-là, c'est pas un mauvais comportement. Belle, c'est tout à fait normal. Belle, si patient, et il arrive à se maîtriser, alhamdulillah, c'est un très bon comportement. قال ما لم يخرجه غضبه الى المكروه. Bien sûr, si sa colère le pousse à faire du mal, à dire du mal, enfin dans ce cas-là, c'est الغضب, c'est l'énervement qui pousse à l'interdit. قال ولقد حدثني عمرو ابن محمد قال حدثني الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق عن عطاء قال قال عبد الملك ابن مروان اذا لم يغضب الرجل لم يحلم لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب والله ولي التوفيق. Pour savoir est-ce que l'insan il est patient, est-ce qu'il a du hilm, il arrive à se maîtriser, il faut forcément de la colère. Ou il a face celui qui se met pas en colère, il a aucun mal à patienter. C'est pour ça que ceux qui sont nerveux à la base et qui font des énormes efforts et qui se maîtrisent, haoula la shakanahum أنهم ils auront cette énorme récompense, contrairement à certains, أصلا ils sont calmes, ils ne se mettent pas en colère. Donc, et même ceux qui sont calmes, vu que ça reste des êtres humains, bien sûr qu'ils se mettent en colère et rien, mais beaucoup moins que les autres, que la catégorie qu'on a citée. قال إذا لم يغضب الرجل لم يحلم لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب. Donc ça va ensemble. فعلى كل حال الإنسان يمسك نفسه ويجاهد نفسه maîtriser cette colère. Aslan, comme on a dit, s'éloigner des causes. Il y a des causes qui poussent à la colère. La précipitation, etc. Aslan, s'éloigner des causes. Tout faire pour ne pas se mettre en colère. Aslan, il y en a quand on est en colère. Est-ce qu'on va réussir à se maîtriser? Amla. Thomas, si l'insan, il se met en colère, une colère légitime, vraiment, il y a une cause. Yad al-Hal, il ne dépasse pas les limites. Yumsik nafsa, il pense à Yom al-Qiyama. Et se rappeler, il y en a la colère, ce n'est pas une excuse. Abedan. C'est ça la base. Sauf bien sûr si cette colère elle pousse à l'insan kanahu, il est possédé. Fahada, kadali qui se met à la place des autres, même si tu as raison. Khasatan avec quelqu'un de inférieur à toi comme un enfant. Fahada al-hal, tarhamu, liana tu aimerais un ta compassionte avec toi. Et kadali tu repenses quand tu étais enfant, tu n'aimais pas que les autres ils se mettent en colère, même si tu as fauté. Tout ça, ça facilite. Kadali appliquer sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Kadalik, appliquer des choses bénéfiques qui sont citées dans certains hadiths, même si certains savants les ont rendus faibles, comme le fait de se taire, le fait de s'asseoir, le fait de changer de place. Kadalik, yadhkurun al-wudu. Il y a des hadiths, mais ils sont faibles. Lakin hada sa tayyib. Hada sa tayyib. Ba'd al-a'imma, ils ont cité des fawa'id, comme l'imam al-qayyim, rahimahullah. Fi al-wabil al-sayyib, fi ma'adhkur, à vérifier. Il a cité les bienfaits de faire l'eau pour repousser la colère. Même si le hadith, il y a des faiblesses. Lakin la shakana, le fait déjà de te retirer, matalan, de retirer dans la salle de bain, tu vas être seul. Thomas, tu vas faire l'eau, ça va te rafraîchir. La shakana, tout cela, ça calme. Et min ahsan l'idaj, on le répète, c'est de changer de pièce. Khassatan, si tu es avec quelqu'un seul dans une pièce et tu sens que tu es très très énervé, si lui, kadali, qu'il n'est pas calme, change de pièce, ahsan. Ahsan, tu vas préserver ton dîn et tu vas préserver beaucoup de choses. Et kadalik, tu éviteras de faire du mal aux autres. On conclut avec un point important concernant Al-Ghadab que Al-Hafid Ibn Rajab, rahimahullah, il a cité dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك. Ça, ça nous montre أن هناك غضب لله. Ne pas tout mélanger. Le غضب qu'on a cité, c'est un غضب qui n'est pas lié à la religion. Là, c'est إما الإنسان, il se met en colère alors qu'il ne faut pas se mettre en colère. هذا c'est مذموم, c'est pas bon. إما il se met en colère, il a raison, لكن ça le pousse à faire du mal. هذا كذلك c'est pas bon. C'était ça notre dars. Pourquoi? Parce qu'on a étudié un livre sur les comportements. أما الغضب لله, se mettre en colère pour Allah. Pour la religion d'Allah, فهذا c'est من الصفات المحمودة, c'est un très très bon comportement. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. Son comportement c'était suivre les commandements du Coran. كان خلقه القرآن, il se basait bien sûr sur la révélation عليه الصلاة والسلام. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il se met en colère. On répète, قال أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. Ça nous montre que d'ailleurs qu'on a le fait de se taire, c'est pas toujours la solution. Pardon, Nas, vu que dû à l'ignorance ou les passions, ils prennent une partie. Là, rien il ne faut pas se taire, rien il faut se mettre en colère. Si c'est pour la religion d'Allah subhanahu wa taala, bien sûr, si ça implique pas un mal plus grand, mais si ça implique un mal plus grand, on a des autres règles qui prouvent que l'insan il doit pas être la cause de faire d'être la cause d'un mal encore plus grand. قال وقد دخل بيت عائشة, un exemple. Il a cité رحمه الله وقد دخل عليه الصلاة والسلام بيت عائشة رضي الله عنها فرأى سترا فيه تصاوير. Une fois Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans l'appartement de Aïcha رضي الله عنها et il a vu un rideau فيه تصاوير, avec des représentations, avec des images. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit هذا كل مصور في النار. C'est interdit de représenter dans notre dîne des êtres humains, des animaux, et des choses, des êtres qui ont une âme. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, il a vu cette chose de haram. Il a arraché ce rideau. Son visage, il a changé, alayhi salatu wassalam, wa qal inna min ashadd an-nas 'adaban yawm al-qiyamah alladhina yusawwirun hadhihi as-suwar. Ça, ça montre un énervement. Son visage, il a changé. Il a arraché ce rideau. Thumma qal inna min ashadd an-nas, ceux qui auront, ou parmi ceux qui auront le plus grand châtiment yawm al-qiyamah, ceux qui font ces représentations. Al-hadith, il est fi as-sahihayn. Thumma qal Ibn Rajab rahimahullah, ولما شجع إليه الإمام الذي يطيل الناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام. الحديث قال في الحاشية أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وفيه قصة. L'histoire de Mu'adh رضي الله عنه quand il faisait الصلاة avec النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتورني près de chez lui et il y avait un autre masjid, une jama'a qui faisait salat, et c'était lui l'imam. Et pour lui, c'était une nafila, et pour les autres, c'était le salat obligatoire du Isha. Et ta'lamouna, le Isha, c'est en fin de journée. Et les ils sont fatigués, encore plus ceux qui ont travaillé. Famarra Mu'adh, radiyallahu anhu, il a récité le Baqara fi surat al-Isha. Le Baqara, c'est presque 300 versets. Ça dépend de l'allure où l'insan il lit, ça peut durer 2 heures à peu près. Il a récité surat al-Baqara, hatta un homme, il est sorti de salat. C'était trop long. Et ils sont pleins au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ghadiba, il s'est énervé. Il s'est vraiment mis en colère. Et il a dit à Mu'adh, afattan anta ya Mu'adh. Il lui a montré, anna fi hadha al-amr, il faut khaffa. Et Mu'adh radiyallahu anhu, c'est un sahabi jalil. Il a pris cette nasiha et il a compris qu'il fallait alléger. Et là, chacun a son intention, c'était le khayr. Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré, fi hadha al-amr, il faut at-takhfif, il faut alléger. Donc, al-shahid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Et d'autres choses. D'autres hadiths qui montrent al-ghadab lillah. Détester pour Allah. Se mettre en colère pour Allah. Hada, si c'est fondé sur le haqq et c'est pour le haqq, fala chacun a أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله aimer pour Allah détester pour Allah et là chacun a celui qui déteste pour Allah il se mettra en colère pour Allah contre les ennemis de l'islam ou quand une chose de haram elle est propagée فهذا ça montre que فيه خير لكن même cette colère sans excès cette colère ça ne doit pas devenir une passion on se met en colère pour la religion d'Allah ثم on fait des choses qui font du mal à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils font al-khawarij al-sufaha al-dullal anahum au nom de la colère pour Allah subhanahu wa ta'ala ils font du fasad ils font du mal et ils sèment al-shar iyadan billah nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa al-thabat on actafi bi hadha al-qadr et on passe à notre deuxième dars inshallah ta'ala la référence donc on a lu certains passages de jami' al-ulum wal-hikam de al-hafidh ibn rajab rahmatullah alayhi. Et on a fini le 23e chapitre. Wallahi alhamd.